Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, l'affaire Carlos Ghosn. Le 19 novembre 2018, le tout-puissant patron du groupe Renault-Nissan est arrêté par des policiers japonais à sa descente d'avion à Tokyo. La justice japonaise le soupçonne d'avoir dissimulé une large part de ses revenus aux impôts. Carlos Ghosn dément et crie au complot. Au fil des semaines, pourtant, les charges s'accumulent. Et le patron de Renault-Nissan est mis en examen à 4 reprises, puis incarcéré avant d'être placé en résidence surveillée. Au total, plus d'une vingtaine de procédures judiciaires sont ouvertes dans 13 pays, dont la France. On découvre alors qu'en toile de fond, Carlos Ghosn aurait utilisé l'argent du groupe automobile à des fins personnelles pour un préjudice estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est alors qu'intervient l'événement le plus rocambolesque de toute cette histoire. Usant de sa fortune et de ses multiples passeports, Carlos Ghosn passe du statut de grand patron à celui de justiciable en cavale. En effet, pour ne pas affronter la justice à Tokyo, il s'enfuit du Japon. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Suc, journaliste au pôle investigation de Mediapart. Il est l'auteur d'un livre sur les coulisses de l'entreprise Renault et sa gestion par Carlos Ghosn. Un ouvrage intitulé « Renault, ni d'espion », paru en format poche aux éditions HarperCollins au mois de novembre dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je souhaiterais vous remercier d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont parcouru de longues distances pour être avec nous aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer nos amis de la presse française qui nous ont rejoints. Comme vous l'imaginez, aujourd'hui c'est une journée très importante pour moi. Cela fait de nombreux jours que j'y pense. Cela fait plus de 400 jours depuis que j'ai été brutalement placé en détention. Mercredi 8 janvier 2020, Beyrouth. C'est dans une salle de conférence exiguë, installée derrière un petit pupitre, montée sur une minuscule estrade et mal éclairée par quelques spots de lumière crue, que Carlos Ghosn prend la parole en ce début d'après-midi. Costume sombre, voix solennelle, regard grave. C'est la première fois que l'ancien patron du groupe Renault-Nissan s'exprime depuis son arrestation au Japon, 2 ans plus tôt. Face à lui, une centaine de caméras de télé et autant de journalistes. Il y a là des Français, des Anglais, des Libanais, des Américains, des Brésiliens, mais seulement 3 reporters japonais. Depuis plus d'une semaine, une vingtaine d'entre eux font pourtant le siège de la luxueuse villa de l'homme d'affaires située dans un quartier chic de la capitale libanaise. Cette conférence de presse a été montée à la hâte par la directrice d'une agence de communication. C'est elle qui a distribué les invitations aux journalistes présents dans la salle. C'est elle aussi qui en a choisi l'horaire. En commençant à 14h, les images de la prise de parole de Carlos Ghosn pourront être diffusées en direct sur les chaînes d'information en Asie, en Europe et aux États-Unis. Quelques minutes plus tôt, l'ancien PDG de Renault a fait une entrée en scène très théâtrale, telle une rockstar. Il s'est fait bousculer par la meute des photographes. Extirpé par ses gardes du corps, il s'est ensuite faufilé jusqu'à l'estrade. Voilà la première image que voulait donner Anne Méo de son client. Celle d'un homme dont on se presse pour enregistrer les déclarations. Un individu accusé à tort, dont le premier geste, désormais libre, est de se présenter face à la presse pour s'expliquer, ou plutôt, pour dénoncer les accusations auxquelles il fait face. Je ne suis pas ici pour me présenter en tant que victime. Je suis là pour mettre toute la lumière sur un système qui va à l'encontre des principes fondamentaux de l'humanité. Je suis ici pour blanchir mon nom et pour vous expliquer de façon explicite ce qui a été perçu comme une hérésie par le système judiciaire japonais. Ces allégations sont fausses et je n'aurais jamais dû être arrêté. Une fois installé à la tribune, le shogun, orchestré par Anne Méo, commence. Il va durer plus d'une heure. seul sur scène, cumulant tous les rôles, détective, procureur, juge d'instruction, l'ancien patron de Renault se livre à un plaidoyer pro domo et affirme que derrière les apparences, il est la victime d'un gigantesque scandale industriel et politique. Assis au premier rang, ses avocats applaudissent à la fin de chacune de ses phrases. Sur le mur, derrière lui, l'ancien patron de Renault fait projeter des fichiers informatiques, des tableurs Excel, des comptes rendus signés et des notes manuscrites. Autant d'éléments qu'il dissèque et analyse à haute voix, autant d'objets qui sont pour lui les preuves de son innocence. Présents dans la salle, les journalistes du quotidien Libération, Franck Boisise et Clotilde Bigot, assistent avec vertige au show de l'ancien PDG qui prend par moments l'assistance à témoins. Le poing serré, il lance. J'ai été interrogé 8 heures par jour, 2 jours comme de nuit. J'avais droit à 30 minutes de promenade par jour et 2 douches par semaine. Avant de comparer son arrestation à un véritable Pearl Harbor, comme s'il était américain. Au sujet de la dissimulation présumée de ses revenus, Carlos Ghosn affiche un procès-verbal à l'attention des journalistes. Le document édite-t-il un original provenant de sa banque qui consigne les revenus liés à son contrat de travail. Comprenez, tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans les règles. Sortis de leur contexte, ces éléments pour certains non traduits et pour d'autres non datés ne permettent pas vraiment de savoir si Ghosn dit vrai. Et là où l'affaire devient plus délicate pour l'ancien patron de Renault, c'est sur la question des avantages en nature dont il aurait bénéficié. J'ai cru, lance-t-il, que pour mon mariage, la direction du château de Versailles me faisait un geste commercial en m'offrant des chambres gratuites, vu que je payais le traiteur et le personnel de l'établissement. Alors je me suis dit que c'était un peu comme lorsqu'on offre une option au moment de l'achat d'une voiture. Quel aveu ! Rire gêné dans la salle. On ne saura que très peu de choses, par ailleurs, concernant la filiale néerlandaise de Renault, entreprise suspectée par les juges de financement illégal de la vie politique et publique. Ghosn ne s'attarde pas sur le sujet. Même chose sur son évasion en jet privé du Japon 15 jours plus tôt. Derrière le shogun, qui est tout sauf un shogun, évidemment, cette conférence de presse sert aussi un autre objectif. Sa conseillère en communication, Anne Méo, cherche à démontrer que l'ancien patron de Renault n'est pas le dictateur froid, égoïste et avide que la presse décrit parfois avec au passage un délit de sale gueule. Oui, le visage de cet homme est d'une incroyable dureté, vraiment peu avenant, mais juge-t-on sur une apparence. Au second rang des invités, Anne Méo a fait s'asseoir la touche arme. Au moins un, Carol Ghosn. Une femme d'affaires américano-libanaise, mariée depuis 2 ans, qui, quelques mois plus tôt en direct sur CNN, appelait Donald Trump au secours, ou qui suppliait Emmanuel Macron d'intervenir pour libérer son mari retenu en otage au Japon, disait-elle. Oui, je lance un appel. On a besoin de lui. Carlos a besoin de lui. Il a besoin de l'aide. Et on demande au président de faire pression sur le gouvernement japonais pour qu'il respecte les droits de l'homme et de la défense ou que Carlos soit jugé en France. Ah, vous demandez à ce qu'il soit jugé en France? Je pense, oui, parce que on voit qu'il va pas avoir un procès équitable au Japon. Au moins, amenez-le en France, c'est un citoyen français. Carol Ghosn, solidaire de son mari, elle donne ainsi aux journalistes l'image d'un couple et d'une famille victime collatérale d'un complot. Une famille persécutée plutôt que fugitive. D'ailleurs, à la fin du long monologue de son mari, Carol Ghosn le rejoint sur scène et pose avec lui devant les photographes. Comme il le faisait par le passé, lors des grandes soirées d'inauguration, le couple retrouve le temps d'une conférence de presse, la lumière des projecteurs, l'éclat, le strass et les paillettes en moins, le soupçon, les questions et le doute en plus. La réaction des autorités japonaises arrive dans l'heure qui suit la conférence de presse. Face aux journalistes, la ministre de la Justice, Masako Mori, réagit vivement. S'il a quelque chose à dire sur son affaire pénale, qu'il présente ses arguments ouvertement devant un tribunal japonais et apporte des preuves concrètes. J'espère sincèrement que le prévenu Ghosn déploiera tous les efforts possibles pour faire valoir son point de vue dans le cadre d'une procédure pénale équitable au Japon. Mi-janvier, une semaine après le grand spectacle de sa conférence de presse, Carlos Ghosn reçoit de nouveau les journalistes. cette fois en tête-à-tête dans le salon d'un très chic hôtel de Beyrouth. C'est l'occasion d'entretenir la légende et l'emballement autour de son affaire. Face à la journaliste de France Inter, Léa Salamé, sur le fait de se soustraire à la justice, Ghosn défend une nouvelle fois sa version. « Tout ce qui m'a été demandé au Japon était fait pour conforter l'accusation, et non pas pour rechercher la vérité. Personne n'accepterait de vivre ça. Moi, j'ai fait ce sacrifice pour que la vérité éclate. J'ai dû fuir pour prouver mon innocence. » Lors de l'entrevue, avec la journaliste Anne-Elisabeth Lemoine, cette fois, c'est un Carlos Ghosn presque amusé qui évoque les conséquences de sa fuite au Japon. Vous tirez une certaine fierté de cette évasion ? Non, fierté, pas forcément. Je suis content que ça se soit bien passé parce que ça aurait pu mal tourner. Pas une fierté, mais moi, ce que je m'aperçois, c'est que c'est devenu quelque chose de très public, très populaire, hein, puisqu'il y a même un... J'ai vu que les Japonais avaient mis en place un jeu vidéo sur ma fuite et qu'ils sont en train de développer tout un thème autour de ça. Donc c'est devenu quelque chose qui est passé dans les... vous voyez, dans l'humour, dans les médias sociaux. Bon, c'est bien. Maintenant, je ne suis pas dire que j'en suis fier, ni que j'en ai honte. Hein. Je suis... totalement indifférent à cela. Moi, ce qui est important, c'est que j'ai retrouvé ma liberté de parole et ma capacité à me défendre. Et ça, je l'avais perdu depuis 14 mois. Bien, mais pour comprendre de quoi il est question au juste dans ce dossier, et au-delà de la version de Carlos Ghosn, il est nécessaire de revenir 2 ans plus tôt, le jour où a débuté sa chute, par un après-midi de novembre 2018 sur le tarmac d'un aéroport japonais. Lundi 19 novembre 2018, aéroport Haneda, Tokyo. Les images diffusées par les chaînes de télévision du monde entier parlent d'elles-mêmes. Filmée par un caméraman de NHK, la télé japonaise, elle laisse entrevoir une fourgonnette stationnée sur le tarmac au pied d'un jet privé. Des hommes, qui ressemblent à des policiers, montent ensuite à bord de l'avion et semblent fouiller. Puis ils font baisser les stores des hublots. La caméra s'immobilise... La séquence se termine sans qu'on voit quiconque ressortir de l'appareil. Impossible de savoir ce qui s'est passé. Seul le sous-titre à l'écran donne une explication. Arrestation de Carlos Ghosn. Ces images, retransmises dans le monde entier, vont participer à la dramaturgie de l'affaire. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'on découvrira que toute la vidéo n'était en réalité qu'une mise en scène, une reconstitution réalisée par la télévision japonaise. Car si arrestation il y a bien eu ce jour-là, à Tokyo, tout s'est passé bien loin des caméras. Quelques heures plus tôt, Carlos Ghosn et son bras droit, Greg Kelly, ont été interpellés à leur descente de jet privé, et ce, de façon très discrète. Selon les premières informations dont on dispose à ce moment-là, les autorités nippones reprochent au PDG de Renault-Nissan de ne pas avoir déclaré une grande partie de ses revenus aux autorités boursières japonaises entre 2010 et 2015. En application des règles judiciaires, et afin d'éviter toute fuite de 2 hommes, Carlos Ghosn et Greg Kelly sont incarcérés. Une série de perquisitions a lieu au siège du constructeur Nissan, dans la banlieue de Tokyo, et dans le luxueux appartement Tokyo 8 de Carlos Ghosn. En France, avec le décalage horaire, c'est à la mi-journée que la nouvelle fait la une des flashs d'information. Les accusations contre Carlos Ghosn sont présentées comme graves et les investigations des policiers japonais sont décrites comme motivées par des preuves irréfutables. La seule vraie question qui revient chez les journalistes est alors de savoir si Carlos Ghosn va devoir démissionner ou non de ses fonctions. Premier à s'exprimer, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Pour lui, la priorité n'est pas Carlos Ghosn, mais bien de préserver les intérêts des salariés et de l'entreprise Renault. Ma responsabilité de ministre de l'économie, c'est de garantir d'abord à tous les salariés de Renault qui aujourd'hui sont inquiets, se disent qu'est-ce qui va arriver avec notre entreprise, qui va prendre la direction, comment est-ce que cela va se passer, de leur apporter des réponses pour rassurer d'abord les salariés de Renault. Ensuite, tous les Français sont attachés à l'entreprise Renault, constructeur automobile. Ils doivent aussi avoir des garanties sur la solidité du constructeur. Et enfin, pour l'avenir, si nous voulons garder une industrie automobile, c'est au niveau mondial que cela se joue. Et de ce point de vue, l'alliance entre Renault et Nissan, elle est extrêmement bénéfique. Elle nous a permis de faire des investissements. Monsieur Ghosn avait annoncé encore récemment des investissements à Maubeuge très importants. Ça permet de financer de la recherche, notamment sur les véhicules électriques. Tout ça est absolument crucial pour le développement de l'entreprise. Donc la pérennité de l'alliance Renault-Nissan, c'est la priorité. Au même moment, au technocentre de Guyancourt, dans les Yvelines, siège du constructeur automobile aux Losanges, la chute de celui qui était jusqu'alors le tout puissant patron du groupe semble déjà actée par les salariés. Impossible en effet de trouver à la sortie du site un seul employé ayant des propos modérés ou défendant Carlos Ghosn. Non. Ici, l'ambiance est à la colère. Nombreux sont ceux qui, en interne, avaient eu vent de rumeurs sur le train de vie fastueux de leur patron. Beaucoup connaissaient sa rémunération faramineuse et les privilèges qu'il s'octroyait. Une situation paradoxale lorsqu'on sait qu'il exigeait chaque année toujours plus d'efforts de productivité et de sacrifices de salaire. Je reprends ces mots. Au micro de France Inter, deux responsables syndicaux font part de leur indignation. Je rappelle que beaucoup de salariés sont en guerre au-dessus du SMIC dans l'entreprise Renault. Et lui se faisait chez Renault plus de 7 millions, chez Nissan 8 millions. C'est des sommes qui nous paraissent démesurées pour un homme, pour une seule personne. Fut-il extrêmement important et c'est quand même quelque chose qui nous choque. C'est la stupéfaction, mais comment un chef d'entreprise comme lui, qui a la responsabilité de 470 000 personnes et qui gagne quand même des millions et des millions, comment il fait pour perdre l'exemplarité de cette façon? Comment on en arrive à une situation comme ça? C'est assez incroyable, quoi. Jusqu'à son arrestation ce 19 novembre 2018, Carlos Ghosn était un homme respecté, craint surtout. Personne chez Renault n'aurait osé le défier, personne non plus au gouvernement. Alors que l'État reste actionnaire à hauteur de 15% chez Renault. À la tête de la firme depuis 2005, après un parcours chez Michelin, Ghosn était devenu le gourou tout-puissant de ce groupe industriel qu'il avait au fil des années façonné à son image et auquel il avait imposé ses méthodes de management radicales. Surnommé le cost killer, comprenez le tueur de coups, Ghosn n'a jamais hésité à licencier des centaines d'employés ou à fermer des sites entiers de production pour accroître la rentabilité tant désiré par les actionnaires de l'entreprise qu'il dirigeait. De ce point de vue, Ghosn est un représentant, presque un parangon du capitalisme ultralibéral, ressenti comme ultra-violent par ceux qui en subissent les conséquences. Rappelez-vous l'affaire des faux espions chinois, un dossier qui avait défrayé la chronique au début de l'année 2011. Un dossier dans lequel Carlos Ghosn avait pris parti contre trois de ses employés, accusés d'avoir trahi l'entreprise. Il était même allé jusqu'à les accuser en direct à la télé. Les trois hommes avaient été licenciés sans ménagement avant qu'on ne se rende compte, plus tard, de leur totale innocence. Dans cette affaire, Ghosn s'est trompé. Il s'est obstiné. Il ne s'est pas excusé. Le dossier avait mis en lumière l'atmosphère détestable qui régnait au sein de la direction du groupe automobile, et en particulier au niveau de la direction de la sécurité, la DGS, décrite par certains comme une véritable petite police politique, capable d'écoute, de surveillance et de manigance. La DGS a été dissoute, mais le mal est fait. Rappelons-nous aussi les suicides de plusieurs salariés du technocentre de Guyancourt. Des cas que la direction de Renault prétendait comme isolés. Des cas que les proches des victimes et les syndicats des constructeurs dénoncent au contraire comme le terrible syndrome. Tome des méthodes managériales tyranniques dictées par leur direction. Bien sûr, Renault a connu une période de profit et de bons résultats à la fin de la décennie 2000. L'alliance avec Nissan, c'était un véhicule sur neuf vendu sur la planète, et ce en partie grâce à la nouvelle dynamique insufflée par Carlos Ghosn. Oui, mais à quel prix? Personne, tant chez les actionnaires qu'au gouvernement, n'avait jamais osé se poser la question. Et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle, ce lundi 19 novembre 2018, personne, une fois de plus, chez Renault, à l'exception du premier cercle de collaborateurs de Ghosn, ne prend en public sa défense. Parce que tout le monde savait, tout le monde s'est tu. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. À la suite d'une enquête interne, il a été démontré que le président du conseil d'administration de notre entreprise, Carlos Ghosn, s'était rendu coupable de fautes graves. Ce sont des actions totalement inacceptables. Par conséquent, j'ai décidé de proposer que son mandat soit révoqué. Monsieur Ghosn a longtemps cumulé les fonctions de patron de Renault et de Nissan, et ce n'est peut-être pas bien. Je ne dis pas que la concentration du pouvoir entre une seule main soit la cause de ses fautes, mais du point de vue de la gouvernance, c'est un élément qui joue, assurément. À la fin du mois de novembre 2018, dans les jours qui suivent l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon, le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, s'exprime sur France Inter. Les mots du dirigeant japonais sont durs et les accusations qu'il porte sont graves. C'est sur la base d'une enquête interne chez le constructeur automobile japonais Nissan que tout a commencé. Un lanceur d'alerte a transmis des documents confidentiels à la direction du constructeur. Des documents qui démontreraient une grande différence entre les salaires touchés par Carlos Ghosn et les sommes que ce dernier a déclarées à l'administration japonaise des impôts pendant 5 ans. On parle ici de plusieurs millions d'euros. De fil en aiguille, les enquêteurs de Nissan ont alors découvert que Carlos Ghosn aurait aussi utilisé des biens et de l'argent de l'entreprise à titre privé. Révoqué de la présidence du conseil d'administration du constructeur japonais Nissan, Ghosn est également limogé dans la foulée de Mitsubishi, l'un des autres membres de l'alliance Renault-Nissan. Arguant la présomption d'innocence, Renault, elle, confirme Carlos Ghosn à son poste de PDG. Les opérations courantes sont déléguées à son numéro 2, Thierry Bolloré. Placé en détention préventive dans une prison de la capitale japonaise, Ghosn adopte alors une stratégie de défense très surprenante. D'abord, le fameux complot qui aurait été ourdi par Nissan, Hiroto Seikawa. L'arrestation intervient en effet dans un contexte de tension liée à la possible fusion entre Renault et Nissan au sein de l'Alliance. Carlos Ghosn y était favorable, Seikawa y était opposé. La thèse d'une tentative de déstabilisation industrielle est donc alléchante. Mais rien ne permet de la prouver, d'autant que la direction de Renault ne dispose pas du moindre indice allant dans ce sens. Ensuite, les avocats de Ghosn vont dénoncer ce qu'ils considèrent comme un acharnement contre leurs clients. Si les conditions d'incarcération au Japon sont certes sévères, et on le sait, Carlos Ghosn est traité comme n'importe quel autre détenu japonais en attente de son procès. Dans les médias, pourtant, l'entourage de l'ancien PDG fait tout ce qu'il peut pour dénoncer les conditions de détention qualifiées d'inhumaines. Et celle qui va alors se faire la porte-parole de cette inhumanité présumée, c'est Carol Ghosn. Interrogée par une équipe d'envoyés spéciales, elle affirmera plus tard que les autorités judiciaires japonaises avaient de très mauvaises intentions à l'encontre de son mari. C'était froid, gelé, froid, gris et silencieux. Et on sentait la torture morale. Il était en isolement complet, maigre, pâle, les mains très jaunes. Il était fort, essayait d'être souriant avec moi. Et moi aussi, je ne voulais pas montrer ma tristesse. C'est tellement sévère et c'est tellement strict qu'il te tue d'une façon silencieuse. Les Japonais affirment que leur système judiciaire traite tout le monde de la même manière. Est-ce que vous pensez que votre mari est plus sévèrement traité ou il est traité comme tout le monde finalement ? Même s'il est, je ne sais pas ça, même s'il est traité comme tout le monde, c'est super sévère et c'est un système fait pour craquer les gens. Un peu moins de deux mois après son arrestation, le 11 janvier 2019, un tribunal japonais inculpe Carlos Ghosn pour abus de confiance et pour avoir minoré ses revenus de Nissan entre 2015 et 2018. La demande de remise en liberté sous caution de l'ancien PDG est de surcroît refusée. Par la voix de ses avocats, Ghosn affirme alors être faussement accusé et détenu de manière injuste. Face à la pression des conseils d'administration de Renault, il finit par démissionner de la présidence du constructeur français. Mais dans les semaines qui suivent, c'est Renault, justement, qui signale à la justice des faits graves. Son ancien patron aurait reçu un bénéfice personnel lors de l'organisation de deux soirées au château de Versailles. Sur les images que s'est procuré le site d'information Mediapart, on voit le film de la première des deux soirées financée par Renault pour l'anniversaire des 15 ans de l'alliance Renault-Nissan. Soirée qui s'est déroulée par une surprenante coïncidence le même jour que l'anniversaire des 50 ans de Carlos Ghosn. Or, si ce soir-là, à Versailles, le motif officiel de l'événement était bien industriel et donc payé par Renault, de nombreux indices font penser qu'officieusement, la soirée était plus à caractère privé. On trouve en effet à la grande table de Carlos Ghosn ses amis, des invités étrangers. En revanche, difficile de trouver un cadre du constructeur, d'où le soupçon d'avantage personnel. Pour la seconde soirée, celle du mariage de Carlos Ghosn, toujours à Versailles, avec privatisation du parc et de son château, feu d'artifice, foie gras, fontaine de champagne et homard, en 2016, Carlos Ghosn aurait bénéficié cette fois d'une salle gratuite et de chambre pour ses invités, un avantage en nature estimé à plus de 50 000 euros. Un avantage dont il aurait bénéficié uniquement parce que Renault a signé une convention de mécénat avec le château de Versailles. Dans les colonnes du journal Libé, on découvre aussi que de nombreux déplacements de Ghosn à bord du jet privé affrété par Nissan sont également suspects. Les auditeurs du cabinet Mazars recensent 34 vols sans objet professionnel du type Paris-Marrakech ou encore Vers-Ibiza, Beyrouth, Majorque. L'heure de vol est évaluée à 13 600 euros. Soit un total de 3 millions d'euros, le tout réglé par Nissan. Des journalistes révèlent enfin qu'au sein de l'alliance Renault-Nissan, il existe une très discrète mais généreuse filiale néerlandaise, la RNBV. Un organisme administratif opaque, né de la fusion entre Renault et Nissan, qui bénéficie de conditions avantageuses sur les taxes aux Pays-Bas. C'est cette filiale qui aurait servi de caisse noire à l'ancien président de Renault. Un audit interne mené par le constructeur français laisse entendre que Carlos Ghosn aurait fait engager par la RNBV plus de 11 millions d'euros de dépenses suspectes. De l'argent qui aurait pu servir à l'ancien PDG pour louer ou acheter de luxueuses résidences en France, mais aussi en Europe, et donc mener un train de vie fastueux aux frais de l'entreprise. Situation ressentie d'autant plus mal qu'il était déjà rémunéré plus de 7 millions d'euros par an. Au printemps 2019, toujours au centre de l'attention médiatique et judiciaire, Carlos Ghosn est finalement libéré sous caution et assigné à résidence au Japon. Son procès doit se tenir au mois d'avril 2020. Mais plutôt que de préparer sa défense avec ses avocats, il choisit de s'évader. France Inter. Carlos Ghosn confirme donc ce matin être au Liban où il a retrouvé sa femme. L'ex-PDG de l'Alliance explique dans un communiqué avoir fui un système judiciaire japonais basé sur l'injustice. Bonjour Aurélien Colli. Bonjour. Vous êtes le correspondant de France Inter à Beyrouth. Aurélien, Carlos Ghosn est en fait arrivé dimanche soir et il a depuis été aperçu dans les rues de Beyrouth. Oui, il est arrivé en fait à l'aéroport de Beyrouth dans la nuit de dimanche à lundi dans un avion privé en provenance de Turquie. Alors les circonstances précises dans lesquelles il a quitté le Japon restent encore assez floues. Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, il aurait voyagé sous un autre nom, au moins jusqu'en Turquie. Et puis si les conditions de liberté surveillée posées par la justice japonaise étaient très contraignantes pour lui. Elles avaient quand même été un peu allégées ces derniers mois et Carlos Ghosn avait la liberté de circuler à l'intérieur du Japon, ce qui aurait pu faciliter son départ. Le 31 décembre 2019, on découvre que suite à une rocambolesque opération d'exfiltration digne d'un film hollywoodien, Carlos Ghosn a réussi à fuir le Japon et qu'il a trouvé refuge au Liban. Mais attention, nuance. L'ancien PDG de Renault, lui, affirme qu'il n'a pas fui la justice, mais qu'il s'est au contraire libéré de l'injustice et de la persécution politique. Dans un communiqué, il dénonce d'ailleurs, je le cite, « un système judiciaire japonais partial où prévaut exclusivement la présomption de culpabilité ». Ghosn réclame, dit le communiqué, de pouvoir s'exprimer librement face à la presse et donner toute la vérité dans cette affaire. Si les détails de l'évasion de Carlos Ghosn restent mystérieux, il n'a rien d'un Indiana Jones. Il n'a pas passé tout le voyage dans une malle, non. Elle a juste servi à l'extraire de sa résidence surveillée pour l'emmener jusqu'au jet privé qui l'attendait sur le tarmac d'un petit aéroport de la banlieue de Tokyo. Ensuite, Carlos Ghosn a voyagé avec tout le confort d'un avion d'affaires jusqu'à Istanbul, où il a pris place à bord d'un second vol à destination de Beyrouth, où il possède une luxueuse villa et où surtout, il n'existe aucun accord d'extradition avec le Japon. Une chose est certaine, cette opération commando a été orchestrée par des professionnels de la sécurité privée. Coût estimé de la fuite de Carlos Ghosn, d'après un spécialiste cité par Le Point, au moins plusieurs millions d'euros. C'est donc dans ce contexte très particulier que Carlos Ghosn s'exprime lors de sa grande conférence de presse au début du mois de janvier 2020. Un épisode qui, on l'a vu au début de ce récit, n'était autre qu'une grande opération de communication. Il s'agissait de faire passer Ghosn du statut de fugitif à celui de victime. Au micro de LCI, au mois de mars dernier, il y a quelques jours, Carlos Ghosn s'explique pour la première fois sur cet épisode de l'évasion et affiche sa détermination. Quand vous engagez dans une opération à très haut risque comme celle-là, vous n'avez pas peur. Parce que la peur, elle vous hante au moment de, peut-être de la préparation, au moment où vous pesez le pour et le contre. Mais une fois que vous êtes engagé dans l'action, quelque part vous êtes anesthésié, vous êtes concentré sur le résultat. Vous ne pensez ni au passé, ni à l'avenir, mais au présent. Il faut que ça réussisse. Parce que sinon, les conséquences sont très graves. Donc pendant toute la période qui sépare le moment où j'ai quitté mon appartement au Japon, jusqu'au moment où j'ai atterri à Beyrouth, où j'ai été accueilli chaleureusement par la personne des douanes et de la police qui m'a reconnu et qui m'a dit « ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, bienvenue au Liban », eh bien j'étais comme anesthésié, je n'avais pas de sentiments, je n'avais pas peur, je n'étais pas content, je n'étais pas triste, j'étais anesthésié. Et ce n'est qu'au moment où j'ai atterri à Beyrouth que quelque part j'ai pu sentir un poids qui s'est détaché de mes épaules. Si la procédure judiciaire japonaise contre Carlos Ghosn est en suspens à partir de cette date, l'affaire des pratiques opaques que l'ancien patron de Renault aurait générée et dirigée au sein des constructeurs français n'est pas terminée. Le parquet national financier s'est saisi de l'affaire. Dans les semaines qui suivent, on découvre qu'une ancienne ministre de la Justice et un expert criminel seraient tous deux dans le collimateur des juges. Ces deux personnages, bien connus du grand public, car très présents à la télé et dans les médias, auraient touché plusieurs centaines de milliers d'euros de la part de la filiale néerlandaise de Renault, et ce, sans aucune contrepartie de travail. Ces deux personnes, ce sont Rachida Dati et Alain Bauer. La première fut ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy. Elle aurait, selon les enquêteurs de l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, touché 300 000 euros par an pendant 3 ans. Le second, expert en sécurité, aurait touché, lui, 280 000 euros par an, également pendant 3 ans. Tout aurait été décidé et acté par Carlos Ghosn en personne. Face au juge d'instruction, l'ancienne directrice générale de Renault expliquera d'ailleurs avoir tout ignoré, du rôle et des missions de Dati et Bauer jusqu'à la manière dont étaient rédigés leurs contrats et même comment Renault les rémunérait. Au mois de janvier dernier, deux juges français devaient venir auditionner Carlos Ghosn à Beyrouth. Tout avait été organisé et préparé. Sauf qu'à la dernière minute, les deux magistrats se sont vus refuser l'accès au territoire libanais pour cause, officiellement, d'épidémie de coronavirus. Officieusement, certains journalistes pensent que le réseau d'influence de Ghosn au Liban a tenté de le protéger. Au bout du compte, et tant que la justice en France ou au Japon ne pourra l'entendre, Carlos Ghosn est présumé innocent de toutes les charges qui pèsent contre lui. Aujourd'hui, il est pour ses proches un homme libre au Liban, mais il reste pour les juges et pour Interpol un fugitif en cavale. Écoutez, Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Carlos Ghosn, nous en parlons avec notre invité Mathieu Suc. Bonjour. Bonjour. Journaliste au pôle d'investigation de Mediapart, vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence sur les coulisses de l'entreprise Renault et de sa gestion par Carlos Ghosn, un ouvrage intitulé « Renault, nid d'espion » qui vient de reparaître au format poche aux éditions Appert Collins au mois de novembre dernier. Bon, on l'a vu dans ce récit. Tout à fait. Carlos, je vais un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Carlos Ghosn est un spécialiste de la com et lorsque j'ai lu votre livre, ou des passages de votre livre, je me suis rendu compte que ce n'était pas la première fois que l'ancien patron de Renault se trouvait accusé. Et comme à chaque fois, il organise sa com à coup d'interview dans les médias, il utilise les services de Barbouze. Vous avez travaillé sur le dossier des faux espions chinois. Racontez-nous les parallèles entre cette affaire et l'autre, celle dont on parle aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs aspects. Ça, et d'ailleurs, pour moi, ce qui arrive maintenant n'est que le prolongement de ce qui se passait depuis des années. Mmh. Alors, sur la communication, vous parliez de la conférence de presse au Liban. Il y avait, on l'avait révélé dans Mediapart, trois agences de communication qui travaillaient sur cette conférence de presse. Une française, celle de Meo, mais aussi une américaine et une japonaise. Donc on a quand même un système très organisé. Et pour répondre à votre question, au moment de l'affaire des faux espions, il y a eu plusieurs couches d'agences de communication qui ont travaillé à tour de rôle ou même concomitamment. On avait Publicis et Maurice Lévy qui géraient depuis historiquement la communication de Renault qui s'en occupait. Il y avait la com de Renault interne qui travaillait 24 heures sur 24 pour déminer le dossier. Et il y avait une communication externe, une boîte privée qui était dédiée uniquement à Carlos Ghosn et qui va être remplacée en cours d'affaires par une agence de communication proche d'Alain Bauer. Donc vous voyez les liens. Et on avait raconté, parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Carlos Ghosn, qui, vous l'avez bien expliqué dans votre sujet, et sa gestion est mise en cause au moment de la vague de suicide du Technocentre. C'est bon. Sa gestion va être mise en cause dans l'affaire des faux espions, puis son augmentation de salaire, j'imagine qu'on y reviendra, et maintenant. Et il a fallu l'enquête japonaise pour qu'il saute. Pourquoi il ne sautait pas avant? Je l'avais publié dans le livre. L'agence de communication qui travaillait pour Ghosn au moment de l'affaire des faux espions avait dans un mail résumé la campagne qu'il fallait mener auprès des politiques et des journalistes, qui était une espèce de syllogisme, c'est-à-dire dire Carlos Ghosn est un dieu vivant au Japon, ce qui était déjà faux en 2010-2011. Mais bref, ça arrange de le dire. Nissan est devenu la vache à lait de Renault, et donc si on se sépare de Carlos Ghosn, Nissan n'a plus aucune raison de conserver Renault. Renault va mettre la clé sous la porte et vous vous retrouvez avec 70 000 ou 80 000 chômeurs dans la rue. Ce qui est un argument auquel n'importe quel homme politique, de droite ou de gauche, est sensible. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, des actions de lobbying menées par des communicants, mais aussi par des relais dans le monde politique et par des médias très conciliants parfois, ont appuyé la cause de Carlos Ghosn pour le défendre sur cette réputation qu'il avait de l'homme qui avait sauvé Nissan et qui n'est pas usurpé là-dessus. Mathieu Suc, puisque vous m'avez dit que l'affaire de l'évasion, l'affaire de Tokyo s'inscrit dans la suite de ce qui s'est passé avant, et comme on a fait le récit de Tokyo, on va plutôt parler de ce qui s'est passé avant, qui fait aussi l'objet de votre livre, sa gestion. Alors déjà, les augmentations de salaire, les siennes, hein, pas les autres. Oui, oui. C'est ça. Alors, le problème. Là aussi, c'est quelque chose qui part de loin. C'est-à-dire que jusqu'en 2011, les actionnaires français réclament à Carlos Ghosn son salaire chez Nissan. Et il dit « Ah mais non, mais la loi nippone m'interdit de communiquer mon salaire. » Ce qui était déjà un mensonge. Elle ne lui imposait pas de communiquer son salaire. C'est une légère différence. En 2011, manque de chance pour Carlos Ghosn, la loi japonaise change et là impose au PDG de communiquer leur salaire. Et on va découvrir à cette occasion que il serait payé entre 7 et 10 millions d'euros chez Nissan. Alors il va dire oui, mais vous savez, quand on est un bon dirigeant, faut être bien payé et les autres entreprises n'ont pas ces pudeurs, tout ça. Il va se défendre comme ça. Mmh. On va découvrir un an après, une fois que tous les PDG auront rendu public leur salaire, que le PDG de Toyota, qui à l'époque est numéro un, le constructeur numéro un au monde, donc bien avant Renault-Nissan, est payé 7 fois moins que Carlos Ghosn. Ouais. Et par ailleurs, Carlos Ghosn, comme vous l'avez dit, à un moment va faire tripler son salaire chez Renault. Il va toucher 8 millions. Ça va occasionner une grogne chez les actionnaires qui vont voter contre son augmentation, et il va réunir son conseil d'administration dans la journée et pour passer outre. Ce qui va même entraîner, et c'est je crois quasiment historique, une réaction du MEDEF en disant, c'était Laurence Parisot qui était à l'époque à sa tête, qui disait Carlos Ghosn a dépassé les bornes, ça va pas. Enfin, vous voyez, on a quand même, vous en parliez tout à l'heure sur la caricature du capitaine d'industrie, des dérives capitalistes. Mais ce qui est marquant, c'est que même les tenants du grand capital se sont insurgés aussi de certaines des pratiques de Carlos Ghosn. C'est dire. Oui. Parmi les pratiques, alors justement, sa gestion humaine, les suicides. Alors, Carlos Ghosn s'est signé, Carlos Ghosn, enfin, pas lui-même, bien sûr, mais c'est cette gestion brutale, dure, qui débouche là-dessus. Il aurait une responsabilité morale, pour le coup. Alors, c'est toujours compliqué quand on parle de suicide. J'ai bien dit il aurait. Oui, oui, non, mais bien sûr. Ce qui est évident, c'est que c'est avec son arrivée, parce qu'il arrive en 2005 et la vague de suicide va survenir en 2007, c'est avec le changement de management que il va avoir des bascules dans la hiérarchie et des mouvements de pression. Bien sûr qu'on peut pas lui imputer directement, mais il y a des gens qui vont se retrouver en bout de chaîne et qui, parce que Carlos Ghosn terrorise tout le monde et qu'au sein de la hiérarchie, bah plus vous descendez au N-1, N-2, N-3, chacun va faire rebasser la pression sur l'autre et qu'à un moment, il y a des gens qui sont en bout de chaîne et qui craquent. Et d'ailleurs, ce qui m'avait étonné, c'est que les gens qui se suicident, ce sont pas des moutons noirs, ce sont pas des mauvais salariés, ce sont même des gens qui, à chaque fois, sont enthousiasmés par ce que propose Carlos Ghosn et ils veulent bien faire et ils osent plus dire non et à un moment ils se retrouvent happés et personne ne voit leur désarroi et voilà. Par contre, ce qui moi m'avait choqué dans l'enquête que j'avais menée pour mon livre, c'est de voir les méthodes et les barbouzeries employées par le service de sécurité de Renault après les suicides pour essayer de masquer toute responsabilité de Carlos Ghosn. Cette petite vous évoquez oui. Ce qu'on appelait une sorte de police politique dans l'entreprise. Voilà, tout à fait. Et j'ai produit un certain nombre de témoignages et d'éléments où ils allaient même à l'encontre de l'enquête judiciaires qui étaient en cours et ils cherchaient dans les mails des salariés défunts. Ou même des fois au domicile d'un homme qui s'était pendu, si par hasard on mettait pas en cause Carlos Ghosn. Enfin, vous voyez, il y a à un moment une indécence dans ce qui était fait. Mathieu, on se retrouve dans deux minutes. Hein, surtout, ne quittez pas et on parlera de l'évasion pour le coup. Tes empreintes, tes pas. Si tu pars, ne dis rien. Laisse-moi brûler ton courrier. Si tu pars, ne dis rien. Détruis l'escalier, jette les clés. Et si tu veux revenir, tu ne trouveras que des cendres. Tu appelleras l'avenir que tu. Mathieu Suc, il nous reste un peu plus de deux minutes, je voudrais qu'on parle maintenant de l'évasion. Alors, Carlos Ghosn et son épouse ont fait paraître un livre, ils étaient tous les deux interviewés sur LCI au début du mois. Et bien sûr, on a essayé, David Pujadas essayait d'en savoir plus sur les conditions de l'évasion. Alors, ça s'est pas fait tout seul, il y a eu une grosse logistique pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui, ça a pris plusieurs mois. Là, il y a des éléments d'enquête qui ont fuité. Et, il y avait une base arrière à Dubaï. Ce sont un ancien béret vert qui était reconverti dans la sécurité privée avec un ancien aussi des opérations d'une armée libanaise. On a des choses. L'évasion, l'exfiltration est extrêmement bien pensée. Maintenant, je pense que c'était pas si dur, parce qu'en fait, les Japonais n'imaginent pas qu'on puisse contrevenir à la loi comme ça. Voilà, il avait des contraintes, un contrôle judiciaire très strict, c'est indéniable. Mais on voit bien, il a traversé le pays sans trop de problèmes. La conception était très audacieuse, elle a été très bien réalisée, mais je ne crois pas que c'était si dur. En revanche, je pense que ça pose une autre question. Mmh. C'est vrai qu'on a tous été marqués par la question de la valise, tout ça. Enfin, il y a un côté James Bondien. Sauf que ça pose un problème éthique très grave. Ce type d'exfiltration, c'est un moyen clandestin, illégal, pour les États. Et les exfiltrations célèbres, c'est quand le Mossad va chercher le génocidaire Eichmann en Argentine pour le faire juger et condamner en Israël, quand la France essaie de récupérer des agents de la DGSE, quand on Américains... met la main sur Barbie aussi. Voilà. Bon. Ouais, alors là, il y a les services de l'État du Soudan qui aident. Mais bref, on est dans des choses comme ça qui peuvent être contestables, mais on voit bien qu'il y a un but au nom d'un État. Là, c'est quand même un homme riche qui se soustrait à la justice de quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense du système judiciaire japonais, est un état de droit. Donc c'est la privatisation de moyens déjà clandestins des États, et c'est quand même extrêmement choquant. Et on voit bien, vous le présentiez, maintenant, Carlos Ghosn s'est soustrait à toute forme de justice de différents pays. Mathieu, écoutez, ce sera vraiment le mot de la fin. Désolé de vous avoir bousculé sur la fin. Voilà, on avait très peu de temps. Merci en tout cas. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Carlos Ghosn, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Anne-Laure Cochet.